les événements continuèrent de suivre leur cours habituel au château de Hatherley, en dépit de la déclaration originale que m'avait faite cousin Sol. Il ne chercha pas une seule fois à savoir quels étaient les sentiments que j'éprouvais à son égard, et pendant plusieurs jours, il ne fit même pas la moindre allusion à ce qui s'était passé entre nous. Il était évidemment convaincu d'avoir fait tout ce qu'il convient de faire en pareil cas. Cependant, il lui arrivait parfois de me causer un trouble inexprimable, en venant se planter en face de moi et en me dévisageant avec une fixité absolument déconcertante. « Ne me regardez pas de cette façon-là, Sol, lui dis-je un jour. « Vous me faites frémir. »« Je vous fais frémir ? Et pourquoi donc, Nell ? » me demanda-t-il. « Est-ce que je ne vous plais pas ?»« Oh, si, vous me plaisez, repartis-je. « Mais, si vous allez par là, l'amiral Nelson aussi me plaît. « N'empêche que je ne voudrais pas que son monument vienne me dévisager comme ça pendant une heure. Ça me met tout à l'envers. « Qu'est-ce qui a bien pu vous mettre en tête l'amiral Nelson ? » me demanda mon cousin. « Je n'en sais rien, ma foi. « Est-ce que je vous plais à la manière de l'amiral Nelson ?»« Oui, répondis-je, seulement davantage. » Le pauvre Sol dut se contenter de cette faible lueur d'encouragement, car à ce moment, Elsie et Mademoiselle Maberly entrèrent avec un grand froufrou de jupe et mirent fin à notre tête-à-tête. Certes, j'aimais bien mon cousin. Je savais quelle nature franche se cachait sous ses dehors discrets. Mais l'idée d'avoir Sol Barker pour amoureux, Sol dont le nom même était synonyme de timidité, était invraisemblable. Pourquoi ne s'était-il pas plutôt amouraché de Grace ou d'Elsie ? Elles auraient su, elles, se tirer d'affaire avec lui. Plus âgées que moi, elles auraient pu soit l'encourager, soit le repousser, selon qu'elles auraient jugé le plus convenable de faire. Mais Grace avait un commencement de flirt avec mon frère Bob, et Elsie semblait ignorer complètement ce qui se passait. « Jacques arrive par le train de 2 heures, annonça Bob un matin en entrant dans la salle à manger avec une dépêche à la main. Je vis que Sol me regardait d'un air plein de reproches. Mais cela ne m'empêcha pas de manifester la joie que me causait cette nouvelle. « On va bien s'amuser quand il sera là, dit Bob. On draguera l'étang et on fera beaucoup de bonnes parties. N'est-ce pas, Sol, que ce sera drôle ?» Sol trouva sans doute que ce serait d'une drôlerie si grande qu'il n'y avait pas de mots pour la traduire, car il ne répondit que par un grognement inarticulé. Ce matin-là, je me livrai à une très longue méditation dans le jardin au sujet de Jack. Somme toute, c'était vrai que j'étais grande, comme Bob me l'avait fait remarquer avec si peu de ménagement. Dès lors, il me faudrait désormais témoigner d'une grande circonspection dans ma manière d'être. Un homme, un vrai, m'avait positivement regardé avec des yeux d'amour. Que Jack fût continuellement pendu à mes trousses ou en train de m'embrasser quand j'étais petite, cela ne tirait pas à conséquence. Mais à présent, il faudrait observer les convenances. Il allait falloir m'inculquer des habitudes cérémonieuses et réservées. En attendant, j'essayais de me représenter notre première entrevue telle qu'elle se passerait, et j'en fis une manière de répétition générale. Le buisson de houx représentait Jack, et je m'en approchais de mon air le plus compassé. Lui adressai une révérence majestueuse et lui tendit la main en disant « Je suis enchantée de vous voir, lieutenant. » Elsie sortit à ce moment et me surprit au beau milieu de cette cérémonie, mais elle ne m'adressa aucune observation. Toutefois, pendant le déjeuner, je l'entendis qui demandait à Sol si le crétinisme se répandait d'une façon générale dans les familles ou s'il se limitait simplement aux individus. Cela fit rougir très fort le pauvre Sol, et quand il essaya de lui fournir les explications qu'elle réclamait, il se troubla tellement qu'il se mit à bafouiller presque tout de suite. Notre basse-cour donne sur l'avenue, à peu près à moitié chemin entre le château et la loge du portier. Sol et moi, en compagnie de M. Nicolas Cronin, le fils d'un squire du voisinage, nous fûmes lui rendre visite après le déjeuner. Cette imposante démonstration avait pour but de mettre un terme à la rébellion qui avait éclaté dans le poulailler. Les premières nouvelles de la révolte avaient été apportées au château par le jeune Baylis, l'enfant du garde, qui était venu m'avertir que ma présence était absolument nécessaire. Les volailles rentraient dans mes attributions domestiques et l'on ne prenait jamais aucune décision à leur égard sans solliciter mon avis. Le vieux Baylis sortit en clopinant dès qu'il nous entendit arriver et nous expliqua tout au long quelle était la cause du tumulte. il paraît que les ailes de la poule huppée et du coq de Bantam s'étaient développées dans de telles proportions qu'ils avaient réussi à s'introduire dans le parc en volant par-dessus le mur, et que le mauvais exemple de ces meneurs avait été si contagieux que même les plus sages, en temps ordinaire, donnaient aussi des marques d'insoumission et cherchaient à s'introduire en territoire défendu. Ce qu'elles nous firent courir, les sales bêtes. Quand je dis « nous », j'entends M. Cronin et moi, car Cousin Sol se contenta de nous attendre à l'écart avec les ciseaux qui devaient servir à rogner les ailes aux récalcitrants, en nous prodiguant des paroles d'encouragement. Les deux coupables comprirent bien tout de suite que c'était à eux que nous en voulions, car ils coururent se réfugier tantôt derrière le tas de foin et tantôt sur les cages, avec tant de rapidité qu'il nous sembla bientôt voir au moins une demi-douzaine de poules huppées et de coqs de bantam à travers la cour. « Cette fois-ci, nous la tenons » m'écriai-je, tout essoufflé, en voyant la poule huppée acculée dans un coin. « Attrapez-la, Monsieur Cronin. Oh, vous l'avez manqué. Barrez-lui le passage. Seul, ah mon Dieu, la voici qui vient de mon côté. » « Bravo, Mademoiselle Montagu !» s'écria M. Cronin, en voyant que j'avais réussi à saisir la rebelle par une patte au moment où elle essayait de voler par-dessus ma tête. « Donnez-la-moi, je vais vous la porter. »« Non, non, il faut d'abord que vous attrapiez le coq. Tenez, le voici, là, derrière le foin. Passez d'un côté, moi, je vais passer de l'autre. »« Le voilà qui file à travers la barrière !» cria Sol. Et nous voilà partis tous les deux, nous aussi, en courant à travers le parc. Je venais d'enfiler le coin de l'avenue quand, tout à coup, je me trouvais nez à nez avec un jeune homme, au teint bronzé, vêtu d'un complet de tweed, qui s'en allait en flânant dans la direction du château. Il n'y avait pas à se tromper sur ses yeux gris et rieurs, et du reste, même si je l'avais vu pour la première fois, je crois qu'une espèce d'instinct m'aurait fait deviner tout de suite que c'était Jack. Mais le moyen de prendre un air digne alors que l'on tient une poule huppée sous son bras. J'essayais de me composer un maintien, mais la maudite bête semblait s'imaginer qu'elle avait enfin trouvé un protecteur, car elle se mit à glousser plus fort que jamais. Finalement, je dus y renoncer et je partis d'un franc éclat de rire auquel Jacques répondit aussitôt de la même façon. « Comment allez-vous, Nell ? » me demanda-t-il en me tendant la main. Puis, d'une voix étonnée, « Tiens, mais vous n'êtes plus du tout comme la dernière fois que je vous ai vu. Dame, à ce moment-là, je n'avais pas une poule sous le bras, répondis-je. Qui donc aurait jamais supposé que la petite Nell était devenue une femme ? Murmura Jack, encore tout stupéfait. Vous ne pensiez tout de même pas que je serais devenu un homme, m'exclamai-je avec indignation. Puis, abandonnant soudain toute réserve, nous sommes tous bien contents que vous soyez revenu, Jack, mais vous irez aussi bien au château un peu plus tard. Pour l'instant, venez nous aider à attraper le petit coq. Allons-y ! Cria Jack avec le même entrain qu'autrefois, mais en continuant à m'observer avec une vive curiosité. En avant ! Et nous voilà tous les trois partis à travers le parc, encouragés de loin par le pauvre Sol, toujours armé des ciseaux et maintenant chargé de la prisonnière. Lorsqu'un peu plus tard dans l'après-midi, Jacques alla présenter ses respects à ma mère, il était fort loin d'être aussi présentable qu'à son arrivée. Et quant à moi, il y avait belle lurette que j'avais oublié ma ferme résolution de rester digne et réservée. Nous fûmes toute une bande au château de Hazerley, ce mois de mai. Il y avait d'abord côté messieurs, Bob, Sol, Jack Hawthorne et M. Nicholas Cronin. Et ensuite côté dames, Mademoiselle Maberly, Elsie, ma mère et moi. En cas de besoin, nous trouvions toujours moyen de lancer une demi-douzaine d'invitations efficaces à la ronde, de manière à avoir des spectateurs quand on faisait des charades ou qu'on jouait la comédie. M. Cronin, jeune étudiant d'Oxford, souple et athlétique, fut pour nous une heureuse acquisition, car il possédait de merveilleuses facultés d'organisation et d'exécution. Quant à Jack, il n'était pas, à beaucoup près, aussi enjoué qu'autrefois, à telles enseignes que nous l'accusions tous d'être amoureux, chose qui avait le don de lui faire prendre l'air bébête qu'ont tous les jeunes gens en pareille occurrence, mais dont il ne cherchait pas à se défendre. « Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? » demanda Bob un matin. « Quelqu'un a-t-il une idée ?»« On pourrait draguer l'étang, » proposa M. Cronin. « Nous ne sommes pas assez d'hommes, » répondit Bob. « Quoi encore ?» Il faudra que nous organisons une loterie pour le derby, fit observer Jack. Oh, quant à cela, nous avons bien le temps. Le derby ne sera couru que dans 15 jours. si on faisait un tennis, hasarda Sol. Oh, zut pour le tennis! Vous pourriez aller pique-niquer à l'abbaye de Hatherley, insinuai-je. Bravo, bonne idée! S'exclama M. Cronin. Eh bien, de quelle façon irons-nous, Nell? Demanda Elsie. Oh, moi je n'irai pas du tout, répondis-je. Cela me ferait grand plaisir, mais il faut que je plante ces fougères que Sol m'a rapportées. Je vous conseille d'aller plutôt à pied. Il n'y a que 3 000, et vous pourrez envoyer le jeune Baylis en avant avec le panier à provisions. Tu seras des nôtres, Jack ? Demanda Bob. Nouveau contretemps. Le lieutenant s'était précisément tordu la cheville la veille. Il n'en avait parlé à personne jusqu'ici, mais, à présent, cela commençait à lui faire du mal. Non, vraiment, j'en serais incapable, répondit Jack. 3 000 pour aller, autant pour revenir, c'est trop. Allons, voyons, ne fais pas le paresseux, insista Bob. Mon cher ami, répartit le lieutenant, j'ai suffisamment battu de terrain dans ma vie pour avoir le droit de me reposer jusqu'à la fin de mes jours. Laissez le vétéran tranquille, intervint M. Cronin. Plaignons le soldat usé par la guerre, ajouta Bob. Quand vous aurez fini de vous moquer de moi, dit Jack, écoutez, voici ce que je propose, ajouta-t-il en s'animant. Confie-moi le cabriolet, Bob, et j'irai vous retrouver avec Nell aussitôt qu'elle aura fini de planter ses fougères. Nous pourrons nous charger du panier. Vous viendrez, n'est-ce pas, Nell ? Entendu, répondis-je. Bob, ayant donné son assentiment à la combinaison, tout le monde se montra satisfait, sauf M. Salomon Barker qui regardait le soldat avec des yeux un peu furibonds. Tous les autres allèrent aussitôt faire leurs préparatifs et peu de temps après se mirent en route par l'avenue. C'est curieux avec quelle rapidité l'état de cette cheville s'améliora, à peine si le dernier de la bande eut tourné le coin de la haie. Lorsque les fougères furent plantées et la voiture prête, Jacques était devenu plus actif et plus déluré que jamais. « Vous avez l'air de vous être guéri bien vite, lui fis-je observer, lorsque nous fûmes en route sur le chemin vicinal, étroit et sinueux. « Oui, me répondit Jacques. À vrai dire, Nell, je n'ai jamais vraiment eu de mal. Seulement, je voulais vous parler. « Et vous n'avez pas hésité à dire un mensonge pour avoir cette occasion, lui reprochai-je. « Nous étions toujours bons amis, étant enfants, Nell, me rappela mon compagnon. « C'est vrai. » reconnus-je, très occupé à regarder la couverture qui m'enveloppait les genoux. C'est que, voyez-vous, je commençais à avoir beaucoup d'expérience, à présent, et à comprendre certaines inflexions de la voix masculine, qu'on apprend à connaître qu'à la longue. « Vous ne paraissez pas avoir autant d'affection pour moi que dans ce temps-là, » reprit Jack. « Savez-vous bien, Nelly, que quand je campais sur la glace, dans les passes des Himalayas, quand je me voyais face à face avec l'armée ennemie prête à nous attaquer, et je dirais même, poursuivit-il d'une voix subitement émue, pendant tout le temps que je suis resté dans cet affreux pays d'Afghanistan, j'avais toujours présente à la mémoire la chère figure de la petite fille que j'avais laissée en Angleterre. « Vraiment ? » murmurai-je. « Oui, reprit Jacques, vous étiez toujours dans mon cœur, et puis quand je suis revenu, je me suis aperçu que vous n'étiez plus une petite fille. J'ai retrouvé à la place une charmante demoiselle, Nell. Alors, je me suis prise à me demander si vous aviez oublié les beaux jours d'autrefois. Jacques, dans son enthousiasme, devenait positivement poétique. Tout en causant, il avait peu à peu relâché les rênes et laissait le vieux poney faire à sa guise. Aussi ce dernier n'avait-il pas tardé à admirer le paysage. « Écoutez-moi bien, Nell, dit Jacques, en frissonnant comme quelqu'un qui est sur le point de tirer le cordon de sa douche. Une des choses que l'on apprend quand on fait campagne, c'est à s'emparer de ce qui vous semble bon dès qu'on l'aperçoit et à ne jamais barguigner, car on ne sait jamais si un autre ne fera pas main basse dessus pendant qu'on réfléchit. Cette fois, ça y est, pensai-je avec désespoir. Il n'y aura pas de fenêtre par où s'enfuir après qu'il aura fait le plongeon. Croyez-vous, Nell, continua Jacques, que vous pourriez éprouver suffisamment d'affection pour moi pour vous associer définitivement à ma vie. Consentiriez-vous à devenir ma femme, Nell ? Il n'avait même pas sauté à bas du cabriolet. Au contraire, il demeurait là, me regardant avec ses grands yeux gris, pleins d'anxiété, tandis que le poney s'en allait d'un pas indolent, s'arrêtant de temps à autre pour brouter les fleurs sauvages qui croissaient sur le bord de la route. Il était évidemment bien résolu à m'arracher une réponse. Je ne sais trop comment cela se fit, mais en baissant les yeux, il me sembla voir une figure pâle et timide me regardant du fond de la pénombre et entendre la voix de Sol me déclarant son amour. Pauvre garçon, il avait du moins été le premier, lui. « Est-ce oui, Nell ?» insista Jack. « Je vous aime beaucoup, Jack, » répondis-je en le regardant nerveusement. Mais, comme sa figure changea en entendant ce seul monosyllabe, « je ne crois pas que je vous aime suffisamment pour cela. Et puis, voyez-vous, je suis si jeune. Je devrais être flattée, assurément, de la proposition que vous me faites, mais ce n'est pas possible. Il faut que vous renonciez à cette idée-là. » « Alors, c'est un refus ?» me demanda Jack en devenant un peu pâle. « Pourquoi donc n'allez-vous pas plutôt demander la main d'Elsie ? » m'écriai-je avec désespoir. « Pourquoi faut-il que ce soit moi que vous veniez trouver tous ?»« Je me fiche pas mal d'Elsie, » maugréa Jack en cinglant le poney d'un coup de fouet rageur, qui stupéfia plutôt cet indolent quadrupède. « Et d'abord, qu'entendez-vous par « tous », Nell ?» Point de réponse. « Je vois d'où le vent souffle, » reprit Jack, avec amertume. « J'avais déjà remarqué aussi, depuis mon arrivée, que votre cousin était continuellement pendu après vous. Vous êtes fiancé avec lui. »« Ce n'est pas vrai, » ripostai-je. « Tant mieux alors, » s'écria Jack, avec conviction. « Il me reste de l'espoir. Vous finirez peut-être, avec le temps, par revenir sur votre résolution première. Dites-moi, Nelly, est-ce que vraiment vous vous sentez de l'affection pour cet imbécile d'étudiant en médecine ?» « Ce n'est pas un imbécile, » protestai-je avec indignation. « Et dans tous les cas, je me sens certainement autant d'affection pour lui que j'en éprouverai jamais pour vous. »« Cela n'implique pas nécessairement que vous en ayez beaucoup pour lui, » répondit Jack d'un ton maussade. Et nous n'échangeâmes plus un seul mot jusqu'au moment où les appels de Bob et de M. Cronin nous avertirent que nous avions rejoint le reste de la bande. Si le pique-nique fut réussi, c'est uniquement grâce à M. Nicolas Cronin. Sur les quatre cavaliers qui nous escortaient, on en comptait trois qui étaient amoureux. C'était beaucoup, et il lui fallut déployer tout son zèle pour qu'on ne s'aperçût pas trop de la distraction des autres. Bob semblait n'avoir Dieu que pour les charmes de Mademoiselle Maberly. La pauvre Elsie était délaissée par tout le monde, et mes deux admirateurs passaient leur temps à se regarder en chien de faïence ou à me lancer des œillades amoureuses. Mais M. Cronin trouvait le temps d'obvier à tous ces inconvénients et de se rendre agréable à tous en se montrant aussi plein d'exubérance lorsqu'il s'agissait de visiter les ruines que lorsqu'il fallait déboucher les bouteilles. Cousin Sol avait l'air tout triste et tout désemparé. Il s'imaginait sans doute que Jack et moi nous nous étions entendus pour effectuer le trajet en voiture tout seul. Toutefois, c'était plutôt du chagrin que de la colère qu'on lisait dans ses yeux, tandis que Jack était d'une mauvaise humeur manifeste. C'est cette raison même qui me fait choisir mon cousin pour compagnon pendant la promenade à travers bois qui suivit notre déjeuner. Jack s'était donné dernièrement des airs conquérants et dominateurs qui ne me plaisaient pas du tout, et dont je voulais le corriger une bonne fois. Je lui en voulais aussi de ce qu'il avait paru froissé de mon refus, et de ce qu'il avait cherché à dénigrer ce pauvre Sol en son absence. Cela ne veut pas dire que j'avais plus d'inclination pour Sol que pour Jack. À la vérité, je ne les aimais pas plus l'un que l'autre. Seulement, étant toute jeune encore, j'avais des idées de droiture si arrêtées que cela me révoltait de voir l'un des deux prendre sur l'autre ce que je considérais comme un avantage déloyal. Sol se montra légèrement surpris de voir que je le choisissais comme cavalier servant, mais il accepta ma proposition avec reconnaissance. « Alors, je ne vous ai pas encore perdu, Nell ?» me demanda-t-il, tandis que nous obliquions parmi les gros troncs d'arbres et que nous entendions les voix du reste de la bande s'éloigner et devenir moins distinctes. « Personne ne peut me perdre, » lui répondis-je, « car personne ne m'a gagné jusqu'à présent. Pour l'amour du ciel, qu'il ne soit plus question de cela. Pourquoi donc ne me parlez-vous plus gentiment, en bon camarade, comme il y a 2 ans ?» au lieu de prendre des allures si sentimentales. « Vous le saurez un jour, pourquoi ?» répliqua mon cousin d'un ton plein de reproches. « Attendez un peu que vous soyez amoureuse pour votre compte, Nell, et vous verrez ce que c'est. » Je reniflai d'un air incrédule. « Asseyez-vous ici, Nell, » reprit l'étudiant en m'attirant vers un petit talus couvert de mousse et de framboisiers sauvages et en se perchant lui-même sur une souche d'arbre à côté de moi. « Maintenant, je vous demanderai tout bonnement de répondre à 1 ou 2 questions que je vais vous poser. Et après cela, ce sera fini. Je ne vous ennuierai plus. » Je m'assis avec résignation, les mains sur les genoux. « Êtes-vous fiancé avec le lieutenant Hawthorne ?»« Non, » répondis-je avec force. « L'aimez-vous plus que moi ?»« Non. » Le thermomètre de la félicité de Sol monta à 40 degrés à l'ombre, au moins. « M'aimez-vous plus que lui, Nelly ? » continua-t-il d'un ton très tendre. « Non. » Le thermomètre retomba au-dessous de zéro. « Cela veut dire alors que nous sommes pour vous tous les deux au même niveau ?»« Oui. » « Mais il faudra pourtant que vous choisissiez entre nous deux un jour, » insista mon cousin, en ayant l'air de vouloir me gronder doucement. « Oh, que vous êtes donc assommant !» m'écriai-je en me mettant en colère, comme le font toujours les femmes quand elles sont dans leur tort. « Si vous m'aimiez autant que vous le dites, vous ne seriez pas toujours en train de me turlupiner comme cela. Je crois, ma parole, que vous finirez par me rendre tout à fait folle, à vous deux. » Et nous voici, moi, sur le point de fondre en larmes, et lui, tout consterné et tout abattu. « Enfin, vous ne vous rendez pas compte de ma situation ?» lui dis-je, en riant malgré moi, de sa mine éplorée. « Voyons, supposons que vous ayez eu pour camarades d'enfance deux jeunes filles, et que vous ayez beaucoup d'affection pour toutes deux, mais sans jamais avoir eu de préférence ni pour l'une ni pour l'autre, et sans qu'il vous soit jamais venu à l'idée que vous pourriez un jour épouser l'une d'elles. Et puis que tout d'un coup, l'on vous dise qu'il faut en choisir une, ce qui rendra par conséquent la seconde malheureuse. Vous ne trouveriez pas que c'est si commode que ça ?»« Probablement que non, » admit Sol. « Alors, vous ne devriez pas m'en vouloir. »« Je ne vous en veux pas non plus, Nelly, » reprit-il, en déchiquetant du bout de sa canne un grand champignon rouge. « J'estime que vous avez parfaitement raison de bien réfléchir avant de prendre votre parti. » « Il me semble, » continua-t-il, en haletant un peu, mais en avouant carrément le fond de sa pensée, en vrai galant homme anglais qu'il était, « il me semble que Hawthorne est un excellent garçon. Ayant voyagé plus que moi, il a plus d'expérience. Il faut reconnaître qu'il fait toujours preuve de beaucoup de tact, chose que je ne pourrais certes pas dire de moi. En plus de cela, il est de bonne naissance, et il a un bel avenir devant lui. » « Oui, je crois véritablement que je devrais vous savoir beaucoup de gré d'hésiter comme vous le faites dans un pareil cas et de voir en cela une preuve de votre bon cœur. Ne parlons plus de cela, » répliquai-je, en songeant à part moi combien il était supérieur à celui dont il me récitait les louanges. « Nous ferions mieux d'aller rejoindre les autres. Où peuvent-ils être à présent ?» Il ne nous fallut pas grand temps pour les découvrir. Nous entendîmes des éclats de voix et des rires dont les échos se répercutaient à travers les longues clairières.